Bon, on va commencer l'éducation populaire aujourd'hui. Donc, notre première intervention, c'est Guillaume et Paul. Oui, désolé, je regardais le programme. C'est Guillaume et Paul qui viennent nous parler des Nuits debout et des mouvements actuels en France. C'est ça. Venez nombreux. Je passe tout de suite la parole à Guillaume et Paul. Bah, je vais finir ma clope déjà. Je fais un petit mot d'Annemasse. À Annemasse, il y a sept révolutionnaires qui sont là depuis 15 jours sur la place de la mairie. Et c'est une petite ville, etc. Mais sept révolutionnaires, c'est déjà ça, c'est comme ça que ça commence. Voilà. Un bonjour d'Annemasse. Annemasse, c'est juste à côté de Genève. À côté du lac Léman. Et puis là-bas, ils sont tranquilles. C'est la révolution, mais bien calme. La révolution suisse. Ou presque. Bon, du coup. Bon, nous, on s'est retrouvé là-dessus hier, donc on n'a pas énormément préparé le truc, mais bon, j'ai quand même quelques notes, ce qui est cool. Donc en fait, nous deux, on arrive de Toulouse, et on fait un petit tour de France des manifestations et des Nuits debout et des différents mouvements sociaux qu'il y a en ce moment, en photo. On essaie de faire un petit reportage photo. Donc voilà, donc Paul, il est photographe, et moi, je suis développeur et voyageur. Et voilà, en fait on est parti de Toulouse parce que les manifs à Toulouse ça commence à être un petit peu tout le temps la même chose et on voyait comment ça se passait ailleurs et on voulait voir un petit peu les différences d'un endroit à l'autre à plusieurs niveaux, donc déjà au niveau des relations avec la police parce que chez nous ça se passe très très bien mais manifestement c'est pas tout à fait le cas partout. Ah, merci. C'est ça. Aussi pour comprendre qui est présent aux manifs, qui est présent aux Nuits debout et aux différents endroits, parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes personnes. Oui, effectivement, on peut baisser un peu. Voilà, comprendre les modes d'action et enfin voilà, ce genre de choses. Je te laisse parler un petit peu au niveau de la photo elle-même, comment on s'organise. Du coup, je suis photographe et donc on s'est fait ça en à la fois en numérique couleur à mon niveau et en argentique noir et blanc à son niveau. Donc l'idée c'était de faire un reportage documentaire photo texte sur ce qu'on voit un peu partout dans les différentes Nuits debout, les différents mouvements qu'il peut y avoir selon ce qu'on voit dans chaque ville. Parce que forcément, on avait une idée de quoi faire avant le voyage. Pour les mettre au centre, ouais. Tu peux les mettre sous la corde ou quoi? Ouais, on avait une idée vague de ce qu'on allait faire et au fur et à mesure du trajet, ça a pas mal évolué selon les gens qu'on a rencontrés, selon les endroits qu'on a visités et... Bon et du coup ouais, voilà, donc on est de Toulouse, donc on a vu pas mal ce que ça donnait là-bas et on a décidé de monter en passant par Bordeaux, puis La Rochelle, on a fait Nantes et Rennes et on était à Rennes il y a quelques jours et on va continuer sur Strasbourg, Lyon, peut-être Marseille, voire Perpignan et pour revenir sur Toulouse après. Y a rien à Perpignan? Bon. D'accord. Bon, l'avantage de Perpignan, c'est qu'il doit pleuvoir moins souvent qu'ici. Ouais, bon, d'accord. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la merde partout. Bon, du coup, on a commencé à Bordeaux. Alors, au niveau des manifs, on n'a pas énormément d'informations parce qu'on est arrivé un petit peu trop tard pour la manif qu'il y avait le jour où on est arrivé, qui était la manif contre Monsanto. Cela dit, en fait, ils nous ont quand même expliqué que là-bas, les manifs se passent relativement bien. Il n'y a pas énormément de monde parce que ça reste une ville assez bourgeoise dans l'ensemble, mais il y a quand même un noyau dur qui revient vraiment régulièrement. Et l'avantage qu'ils ont à Bordeaux, c'est que le maire, c'est Juppé. Juppé, il est présidentiable et il n'a pas envie de voir des débordements policiers avant les élections. Donc ils sont vraiment cool avec les manifestants dans l'ensemble. Il y a eu quelques débordements au niveau des ça se compte sur les doigts de enfin ça se compte sur les doigts d'un mec qui a fait la guerre quoi. Voilà. Au niveau de la Nuit debout, c'est super intéressant en fait parce que ils ont commencé la Nuit debout là-bas en même temps qu'un peu partout. Sauf que au bout de 3 jours, il n'y avait plus personne. Il y avait juste des gens qui venaient là pour se bourrer la gueule et c'était pas super intéressant niveau débat. Donc les quelques personnes qui étaient un petit peu politisées là-dedans ont décidé de changer un petit peu le mode de fonctionnement. Et maintenant, ils se déplacent de quartier en quartier. Ils se retrouvent sur la place de la République tous les samedis. Mais le reste du temps, en fait, ils vont de quartier en quartier et à chaque fois, ils tractent, ils mettent des affiches avant et ils en profitent pour discuter de tous les problèmes qu'il y a dans le quartier et essayer vraiment de relocaliser les Nuits Debout, de les contextualiser à un endroit pour, voilà quoi, pour donner la parole à des gens qui sinon n'iront pas se déplacer jusqu'à la place de la République. Voilà. Ça c'est assez intéressant parce que en fait à Toulouse ce qu'on a remarqué c'est que les gens qui sont à la Nuit Debout ben ils sont tous jeunes, blancs, éduqués, plutôt aisés, enfin c'est assez restrictif en fait. Donc c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça je pense pour Bordeaux parce que ils ont encore plus un problème de gentrification du centre-ville qu'à Toulouse. Donc voilà. Ça c'est pour Bordeaux. Je suis en train de me rendre compte qu'on a absolument pas fait le point sur Toulouse. Du coup, je vais te passer le micro et tu vas faire le point sur Toulouse. Oui, parce qu'en fait, j'en aurais dû commencer par là. Ouais, alors à Toulouse, ça bouge pas mal en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve assez régulièrement avec 300, 400 personnes le soir. Alors, un millier quand il y a des grosses manifs. Ouais, voire même un millier quand on est sur des grosses manifs. Donc c'est vrai que ça bouge pas mal. Il y a pas mal. Que ce soit au niveau des commissions, des discussions, ça marche plutôt pas mal. On n'a pas, par contre, c'est vrai qu'on n'a aucune installation pérenne. Donc, comme ici, je crois, donc la mairie nous interdit, demande à ce qu'on remballe à minuit. Bon, il y a plus rien. Mais il y a aucune vraie, il y a pas d'installation comment ? Enfin, il y a pas de protection contre la pluie. Il y a peut-être un barnum ou deux pour un stand de nourriture ou quoi, mais il y a pas, ou alors une radio. Il n'y a pas de grosses installations, sinon c'est très souvent tous par terre et Sono et compagnie. Oui. Oui, d'ailleurs, en fait, on a un arrangement avec les intermittents qui occupent le Théâtre National. Donc quand il pleut, on a un toit. Et voilà. Et ça, c'est vachement cool. Sinon, au niveau des manifs, ça se passe bien. On a beaucoup de monde. Très peu de débordements, pas trop d'opposition entre la CGT et les autres, ce qui est pas mal comparé à, enfin, à Paris, si j'ai bien compris, c'est un petit peu compliqué entre la CGT, la CNT, enfin. D'accord. Ouais. Chez nous, en fait, la seule opposition qu'on a, c'est entre les lycéens et la CGT, parce que forcément, les gens un petit peu plus extrêmes se retrouvent avec les lycéens. Et le seul sale coup que nous ait fait la CGT, c'est un jour, ils ont décrété que les lycéens étaient un petit peu trop bruyants, un petit peu trop motivés. Donc du coup, un petit peu trop devant aussi, ils faisaient trop de bruit, ils faisaient un petit peu d'ombre, on va dire. Donc ils ont décidé d'arrêter le cortège là, voilà. Et de laisser les autres dans leur merde avec les flics. Alors le problème c'est que du coup eux ils ont dévié du trajet, donc ils se sont fait emmerder par les flics. Et nous on n'avait plus les gens qui avaient déclaré la manif, donc on s'est fait emmerder par les flics aussi. C'est vraiment le seul problème qu'on ait eu avec eux. Sinon ça se passe vraiment bien à ce niveau-là. Et on a aussi le droit au logement qui a monté une organisation pour faire des actions de blocage, de péage gratuit, d'occupation de banque, de la FNAC, du McDo, enfin bon voilà. L'occupation du McDo a été assez drôle d'ailleurs, on a eu quelques vitres brisées par les CRS, depuis les commerçants commencent à se méfier à peu près autant des flics que des manifestants, c'est très très drôle. Voilà. Je te laisse parler de La Rochelle parce que c'est ton coin. Ouais, du coup à La Rochelle, alors au départ ils se sont installés, moi j'avais vu ça, je pensais que c'était assez une bonne installation, mais ils sont restés que quelques jours au niveau, je sais qu'il y a des gens connaissent, au niveau du cours des dames sur le port. Ils avaient une installation un peu en bâche, des canapés, des livres à échanger, de la bouffe, enfin de la vaisselle, c'était vraiment bien installé. Et très viré, ils se sont relocalisés à un autre endroit au niveau du Gabu, pour ceux qui connaissent La Rochelle. Donc c'est pas exactement éloigné, le centre-ville est tout petit, donc ça va, c'est pas très loin. Mais ils ont vraiment une installation très sympa avec, ils ont tout en palette, une scène pour faire la musique, un genre de backstage, oula, une cuisine assez organisée, très organisé en fait. Ils ont vraiment du rap de palette, du rap de tout ce qu'ils veulent. Bon, et comme c'est un endroit qui est plutôt squat, parking, la mairie, ça fait 20 ans que la mairie dit qu'elle veut faire quelque chose, donc ils ont pas trop d'inquiétude à se faire virer. A priori, ils devraient rester. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait la fête foraine juste à côté. Donc en fait, ils ont l'électricité qui est fournie par la fête foraine. Ce qui leur permet d'avoir de l'électricité pour les guitares électriques, pour faire de la musique vraiment avec une grosse installation. Voilà. Et puis, il y a vraiment un noyau dur de gens qui revient très régulièrement. J'ai été impressionné, franchement, même si La Rochelle, c'est tout petit, en fait, c'est la Nuit Debout la mieux installée que j'ai vue. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Oui, parce qu'en fait à La Rochelle ils n'ont pas de problème d'horaire. Ils restent vraiment tout le temps qu'ils veulent. Enfin, il y a personne qui va leur dire de dégager le soir, quoi. Ouais. Ils ont les canapés, ils ont des lits, ils ont tout ce qu'il faut. À Nantes. Alors la Nuit Debout, en fait, on l'a pas vu. On a vu. En fait, il est censé y en avoir une, mais il y avait juste un feu de camp avec trois personnes qui se bourraient la gueule devant. Et ça, un soir de manif. Ce qui nous a pas rendu très très optimistes quant au reste de la Nuit Debout là-bas. Par contre, alors en manif, ouais bon, ils sont un tout petit peu radicaux. Manif sauvages, eux, et à Nantes, c'est que des manifs sauvages. Parce qu'ils peuvent pas se permettre ce qu'on fait nous, parce qu'on est trop nombreux nous. Et eux, ils sont répertoriés. Voilà. C'est-à-dire qu'à Nantes, et à Rennes aussi, ils sont répertoriés, c'est des petits bleds, c'est-à-dire que tout le monde sait qui est qui, c'est-à-dire que quand ils font des choses, ils sont plus dangereux que nous. Mais nous, on ne veut pas de manif sauvage. On va essayer d'éviter ça, à Paris. Voilà. Mais underground, le point zéro, c'est ici. République, c'est ici. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'ai entendu parler de Rennes, ils cassent tout, ils niquent tout. Mais quand ils font les choses, ils sont bons, ils sont dangereux. C'est vrai. Ils sont plus dangereux que nous. Mais. On peut récupérer le micro un moment parce qu'on aimerait bien terminer. Ouais, t'inquiète pas, on s'est compris. T'auras la voix après, il n'y a pas de problème. Ouais, en fait, à Nantes, effectivement, il n'y a que des manifs sauvages. Sauf que historiquement, ça se justifie. C'est-à-dire que historiquement, à Nantes, on ne déclare pas une manif. C'est très très récemment que la préfecture a commencé à faire pression pour que les manifs soient déclarées. Et c'est pour ça qu'on parle de manifs sauvages là-bas, mais en réalité, toutes les manifs sont sauvages depuis genre 30 ans en fait. Donc c'est très très récent que la préfecture fasse chier à ce niveau-là. Par contre, très clairement, ils ont un gros bloc très très radical. Les cassages de banque là-bas, c'est pas trois coups de pioche dans un distributeur. Hein. Non. Ils pètent les vitrines. On les a vu sortir le matos informatique de la banque et tout et tout. Le piétiner sur le trottoir. Enfin bon, ils sont un tout petit peu plus chauds quand même. La police sort les canons à eau. Les fumigènes, c'est par bloc de 10. Enfin bon, ils sont assez motivés. À Rennes, alors c'est particulier. Ouais, le petit problème qu'il y a sur Nantes, en fait, c'est que genre à Toulouse, quand on a eu une manif sauvage un soir ou quoi, à la fin, on se réunit quand même, on en discute, on voit ou quoi. Là, à la fin, à Nantes, il y avait rien, c'est dispersion et voilà. C'est ça, on casse mais on discute pas, ce qui est très très dommage. À Rennes, ouais, alors à Nantes, il y a la ZAD, ce qui est une des raisons pour lesquelles les policiers sont aussi chauds face aux manifestants. Et c'est un peu la même chose à Rennes, à savoir que dans les deux cas, en fait, les blocs les plus radicaux qu'il y a dans la ville sont les mêmes qui se sont battus pour la ZAD. Et ils sont implantés depuis très longtemps. C'est aussi pour ça que, enfin, à Rennes en tout cas, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas de Nuit Debout, dans le sens où nous on l'entend, parce qu'en fait, les gens qui font les manifs aujourd'hui, c'est des gens qui sont déjà organisés depuis très longtemps, c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps et qui font des actions ensemble depuis très longtemps, en fait. Donc ça, ils n'ont pas franchement jugé nécessaire de vraiment créer une Nuit Debout, à Rennes en tout cas, enfin, au début, puis ça n'a pas vraiment pris. Et du coup, par contre, à Rennes, la discussion est là, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement organisés. Ils sont beaucoup dans l'action, mais ils sont beaucoup moins dans la violence qu'à Nantes, en fait. Ils sont dans l'action, donc il y a des tags, des trucs comme ça. Mais en même temps, les vidéos qu'on avait pu voir circuler de vrais cassages à Rennes, quand on a discuté avec eux, ils nous ont dit mais c'est une ou deux manifs qui ont vraiment mal tourné. La plupart du temps, ils sont juste très très proches de la police. ils font facilement des barricades enflammées, des trucs comme ça, mais ils pètent finalement assez peu de commerces. Et c'est surtout un groupe de commerçants du centre-ville qui essaie de faire monter la sauce au niveau des quelques débordements qu'il y a eu pour essayer vraiment de les virer du centre-ville définitivement. Donc nous, quand on y est allé, pour Rennes, c'était très très drôle. La manif, c'était un mélange de Nuit Debout et de manif. C'est-à-dire qu'on a démarré avec le piano, la guitare, musique, voilà, de la bouffe, enfin bien posé sur une place. Au bout d'un moment, paf, ils sont partis dans les petites rues, un gros tour, on s'échauffe un petit peu avec la BAC, on revient, et là, coincé par les policiers sur tous les côtés, on ressort le piano, on ressort les guitares, on ressort la bouffe, on se pose. Il y avait même des riverains qui avaient sorti la sono vers toutes les fenêtres et foutu de la musique à fond au-dessus de la BAC avec les gens qui dansaient à 3-4 mètres de la BAC en fait. Donc c'est ils sont pas violents, ils sont beaucoup dans l'action, ils sont très très motivés, mais ils sont pas vraiment violents. Voilà, et la BAC par contre, ouais, clairement. Ils courent tout le monde, enfin c'est n'importe quoi. Et en fait, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de récupérer la maison du peuple, qui est en fait la maison de la cité qui sert pour un festival dont je ne me rappelle même plus du nom, et comme je suis un boulet, j'ai même pas pris de notes. Mais voilà, en fait, c'est la maison de la cité qui sert à faire des concerts, des festivals, des trucs comme ça, qu'ils avaient occupé pendant 2 semaines. Ils se sont fait virer, ils l'ont réoccupé, ils se sont refait virer, et en fait, ils essaient de récupérer ça, de récupérer cette maison pour simplement avoir un endroit où débattre, un endroit où inviter les commerçants qui sont contre eux pour pouvoir discuter posément dans des canapes et sans être à moitié sous la pluie avec la BAC aux fesses. Donc voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que Rennes ou Nantes, c'est le contraire de Paname, parce que, en fait, au début, on était plus violent que ce qui que maintenant. C'est-à-dire, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis que la voiture elle a été brûlée de la police, les gens se sont assagis. Et ils ont raison, parce qu'on ne gagnera pas avec la violence. Moi, j'étais à 10 mètres de la voiture qui s'est brûlée. Donc, si je voulais une conclusion, je sais pas, je veux dire, si on veut gagner notre évolution, révolution, il ne faut pas qu'il y ait de violence. Il faut qu'on évite la violence. Je suis contre la violence. Moi, je vous le dis direct. Parce que derrière l'uniforme, il y a un papa. Il y a des enfants. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Oui, tu étais d'accord avant. Mais je vous dis la vérité. Il faut qu'on soit pacifique et on va gagner. Voilà. Si on n'est pas... On va gagner comme ça. Maintenant, je vais parler d'une autre chose. Maintenant, voilà. Benzema. Allez, on va parler du sport. Du sport. On va parler de Benzema. Il a dit quoi? L'équipe de France... maintenant, je vais parler de choses. Ça vous va parce que... Ok. Et il n'y a pas que Benzema qui l'a dit, c'est Eric Cantona. Écoutez, la France devient de plus en plus raciste, ça je vous le dis. Oui, on a un léger problème de racisme en France, on est au courant. Bon, enfin, c'était pas vraiment le sujet du jour. En fait, on n'est pas inagé ici. Nous deux, on arrive de Toulouse, on avait un truc... J'étais à le Maghreb. Ok, merci à tout le monde, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. La Nuit Debout, ça fait 3 mois exactement, on est là. Ça fait 3 mois, je suis là. Arrête de me prendre la tête, je suis en train de parler. S'il vous plaît, monsieur. Merci. On est pas là pour s'énerver. On est là tous pour la même chose. Tout ce monde qui se retrouve dans la place de la République, on est là tous pour la même chose. Et on défend la même cause. Merci. Et je vais te montrer ce Oubouba. Ça pique comme jamais, jamais. Ça pique comme jamais. Loulou Ebou. Ah oui, ah oui. Bon. Ouais, j'en étais à Rennes. Et pour Rennes, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. De toute façon, on est passé à Donge, à la raffinerie qui était bloquée aussi. Donge, c'est au niveau de Saint-Nazaire, donc à l'estuaire de la Loire. Il y avait la raffinerie qui était bloquée par la CGT là-bas. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est la CGT, quoi. Donc ils sont posés, ils ont mis leur sono. Ils ont mis leur barricade. Ils sont restés quelques jours. Et après, après ils se sont fait virer. Et donc voilà, il n'y a pas eu. En fait, oui, il n'y a rien d'autre qu'en fait que le blocage de la raffinerie. Il n'y a pas spécialement de. Pas spécialement de grosses discussions super intéressantes là-bas. Et ensuite, on est passé par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par curiosité. Et là-bas aussi, bon, en fait, ils ont d'autres combats à mener en fait là-bas. Ils sont déjà en train de. Enfin, ça fait 13 ans qu'ils essaient d'installer un truc pérenne là-bas. Ils sont encore en train de bosser dessus. Ils sont finalement assez éloignés de des combats qui sont menés en manif ou qui sont menés à la Nuit Debout, même si évidemment il y a pas mal de gens qui ont des liens, mais finalement ceux qui ont le plus de liens avec la Nuit Debout sont pas sur place, ils sont à Rennes ou ils sont à Nantes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui veulent parler de racisme, problème, je peux laisser le micro maintenant. Non, personne, très bien. Quelqu'un veut parler de voyage et de Nuit Debout? Est-ce que quelqu'un a des retours d'autres villes? Parce que du coup, nous, on n'a pas encore couvert grand-chose jusqu'ici. Alors moi, je vais rebondir rapidement sur le racisme. Il existe, on le sait, on le connaît. Il y en a qui le vivent tous les jours. Mais est-ce que les histoires de racisme d'aujourd'hui ne sont toujours pas liées avec les histoires du passé? C'est-à-dire que j'entends toujours, oui, mais il y a eu ça avant... Ce qui justifie qu'aujourd'hui, moi, je peux te détester parce que ton pays, avant, il a fait ceci, cela. Alors, très bien, c'est des vérités à reconnaître et à voir. Mais la question, c'est pas plutôt d'où on vient et ce qui s'est passé, mais la réponse est plutôt, c'est où on va. Voilà, je clôt le sujet sur le... Bon, ben moi, pour parler du Tour de France des Nuits Debout, j'ai un petit peu parlé d'Annemasse tout à l'heure. Donc, Annemasse, c'est une petite ville juste à côté de Genève et du lac Léman. Et en fait, ils sont 7 mis sur la place de l'hôtel de ville. Ils parlent de pas mal de choses. Comme ils sont que 7, ils font vachement tourner les sujets. Et puis, ils parlent énormément de toutes les histoires d'évasion fiscale et de la Suisse qui est un paradis fiscal. Est-ce que c'est à la Suisse de changer sa réglementation ou est-ce que c'est à la France de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'évadés fiscaux? C'est des discussions qui sont très chaudes parce que nous on est à la frontière en fait de la Suisse, donc on est à la frontière de toutes ces tensions là. Et puis aussi on voit en fait un autre modèle économique qui a lieu en Suisse, aussi un autre modèle politique. Et du coup il y a une énorme réflexion sur est-ce que le modèle politique suisse et est-ce qu'on peut le mettre en France, est-ce que ça pourrait marcher, parce que c'est pas non plus la même histoire, c'est pas la même manière de prendre les décisions, c'est pas non plus les mêmes luttes. Puis ça parle aussi de syndicalisme parce que en Suisse on ne sait pas, mais le syndicalisme est très très fort. C'est 15 à 20% des salariés dans le privé qui sont syndiqués, beaucoup moins dans la fonction publique. Et tout ça aussi, ça fait partie des sujets qui sont énormément débattus. Voilà, petit tour d'Annemasse. J'ai juste une petite question, vite fait, parce que j'ai vu que la Nuit Debout s'exporte quand même un petit peu à l'étranger. En Suisse, il en est quoi? Alors en fait, donc moi je suis juste à côté de la région de Genève. Alors en Suisse, c'est pas du tout homogène, hein, parce que la Suisse est une confédération, et donc que à Zurich ou au Tessinois ou à Genève, en fait, c'est pas les mêmes questions, et la démocratie se fait pas de la même façon. À Genève, en fait, des Nuits Debout, il y en a en quelque sorte déjà. Ça veut dire que la population a déjà pris l'habitude, pour ceux qui sont politisés, de se réunir, de discuter. Il y a des votations tous les 3 mois. Donc, ils n'ont pas le même problème antidémocratique qu'en France. Donc, c'est beaucoup moins virulent. Mais après, il y a eu une manifestation le 15 mai, un Nuit Debout international qui a été fait à Genève, qui a réuni 2000 personnes et qui a assez bien marché. Et ça, c'était plutôt cool. Et ils soutiennent, en fait, Paris parce qu'ils attendent de voir ce qui se passe à Paris, toujours pour... eux savoir s'ils ont envie de continuer. Il y a toujours un lien, la Suisse romande est très attachée à la France. La plupart des Suisses romands regardent les médias français, lisent les journaux français, donc c'est aussi lié. Voilà. D'accord. Quelqu'un veut le micro? Bon. Niveau violence, Nantes. Violence policière. Violence policière, alors ça se vaut un petit peu partout en fait. Après, évidemment, à Nantes, ils ont été beaucoup plus agressifs que dans d'autres villes, mais en même temps, les manifestants l'étaient aussi, donc on peut pas vraiment leur en vouloir non plus. Non mais qu'on se comprenne, c'est vrai que... À Toulouse, si tu veux, pour les policiers, c'est pas très très compliqué. Je veux dire, les mecs qui sont vraiment énervés, qui veulent casser des trucs, Ils se comptent, ouais, ça doit être une vingtaine de personnes à tout péter sur une manif qui en fait 10 000, quoi. Donc, c'est pas très compliqué pour les flics de les repérer, de les suivre et de les arrêter en, voilà. Donc maintenant, ça commence à déborder un petit peu à Toulouse en fin de manif, un petit peu beaucoup même. Mais voilà. Mais voilà, typiquement, en fait, il y avait une grosse manif il y a deux semaines quand on est parti. 16 000 personnes. Le plus gros débordement qu'on ait vu, c'est des gens qui balançaient des pétards sur les CRS. Alors autant vous dire que ils sont sereins, ils sont très sereins. Donc voilà, donc le plus de violences policières c'était à Nantes, mais voilà. Nous, ce qui nous a surtout choqué en fait, c'est les violences vis-à-vis des photographes, parce que étant photographes nous-mêmes, forcément ça nous touche. Et là, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'il n'y a absolument aucun respect de la loi venant des flics. À Rennes, quand on était à la manif, il y a un mec qui s'est fait prendre sa... Non, qui s'est pas fait prendre sa carte SD. Il a été obligé par la BAC d'effacer certaines photos de sa carte SD sous menace de voir son matériel exploser. Ah oui, ils lui ont pris sa carte, d'accord. Pareil à Nantes, il y a un mec qui s'est fait prendre sa carte. Si j'ai bien compris, il y en a qui se sont fait prendre leur téléphone aussi pendant qu'ils filmaient. Enfin bon. Ouais. Enfin bon. Et sinon, oui, à Toulouse, on a un pote à nous. Pendant une des premières manifs, ça devait être fin mars ou début. Ouais, fin mars. Donc ça devait être ça du 31 mars, tout simplement. Qui s'est pris un gros coup de matraque en pleine gueule pendant qu'il prenait des photos et qui s'est retrouvé à l'hosto dans la foulée, quoi. Donc, alors qu'il a le brassard presse, le machin photo, enfin le casque. Non, il n'a pas le casque photo ce jour-là. Bah, c'est bien pour ça qu'il s'est pris la matraque d'ailleurs. Mais voilà. Donc, vis-à-vis des. En fait, le problème, c'est que la police ne fait plus de différence entre les photographes et les manifestants. Ce qui tient à plusieurs choses. Bon, déjà, d'une part, le fait que les photographes prennent des photos de trucs que la police aimerait bien ne pas voir prendre en photo. Il y a aussi le fait qu'il y a énormément de manifestants qui prennent des photos tout simplement. Enfin, nous à la base on est des manifestants, on a commencé à faire de la photo en manif et après on s'est vraiment spécialisé dans la partie photo, mais à la base on faisait des photos en manif tout simplement. Et c'est un ensemble de choses, le fait qu'il y a énormément de gens tout simplement qui filment avec leur téléphone, que ça énerve les flics. Déjà les manifs, je pense que s'il y a des gens ici qui sont facilement en tête de manif, qui sont parmi les gens qui se cagoulent un petit peu tout ça, ils doivent connaître un petit peu l'angoisse d'avoir 15 000 objectifs pointés sur eux. Bah pour les flics c'est un peu la même chose en fait. Ils ont aussi cette angoisse là, sauf que la différence c'est que eux ils sont payés, eux ils sont censés respecter un certain nombre de règles, ils sont armés et tout, donc c'est normal d'avoir des appareils photo braqués sur eux et ils n'ont pas de droit à l'image aussi. Oui, ça c'est un truc. Si jamais vous prenez des photos et qu'un policier vous dit ah oui mais non mais j'ai un droit à l'image etc. Un policier en uniforme n'a pas de droit à l'image. Il est dans l'exercice de ses fonctions. N'importe qui peut le filmer, n'importe qui peut le prendre en photo et n'importe qui peut diffuser. Voilà, pas seulement un journaliste avec une carte de presse, n'importe qui avec un appareil photo. Et un baqueux en civil, du coup. Un baqueux en civil, bah, de toute façon, s'il est purement en civil, de toute façon, il n'a pas le droit d'agir. S'il agit, c'est qu'il a un brassard police. À partir du moment où il a un brassard police, il est en uniforme. Et à partir du moment où... Bah, de toute façon, qu'on soit bien d'accord, le mec avec son flingue, il est dans la plus totale illégalité. Donc, il est dans l'exercice de ses fonctions quand même, cela dit. Oui, parce qu'à Rennes, avant qu'on parte, donc il y avait une occupation d'un. Alors, c'était une fac dentaire et un centre de soins dentaires. Mais l'occupation a tourné au fiasco parce que aussitôt que les manifestants sont rentrés, c'était les CRS ou la police nationale, je sais plus, GM. Il y avait les GM et il y avait la BAC. Ouais, donc c'était BAC et GM qui sont rentrés aussitôt, qui ont foutu tout le monde dehors en mode. Pas gentil, et là il y avait aucun matricule, les journalistes demandaient alpaguer les CRS pour leur demander c'est quoi ton matricule ou quoi, ils se faisaient tous envoyer chier n'importe comment, et on a retrouvé un article de Libération dans lequel Valls disait qu'il allait être très sérieux avec ça, que il fallait vraiment que tous les CRS et toutes les forces de l'ordre aient leur matricule pour assurer un Bon, cela dit, personne. Si quelqu'un veut le micro, donc si tu veux rebondir quand même sur le sujet tout à l'heure, il n'y a pas de problème parce que je crois que. Voilà. Je crois que nous on a raconté ce qu'on avait raconté jusque là, donc voilà, s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des gens qui veulent débattre de tout, de rien, de la pluie, du beau temps. Une petite question, je viens d'arriver là, peut-être que vous avez répondu déjà, mais l'autre jour je suis allé passer un week-end à Nantes, vous avez parlé de Nantes, je me suis promené en centre-ville et j'étais étonné de voir que pratiquement toutes les banques étaient, elles n'avaient plus de devanture. Mais il n'y avait que les banques. Alors je me dis, bon, ça a été, c'est pareil, quoi, quelque part, quoi. C'est, bon, mais la police là-dedans, quand même, je sais pas, mais est-ce qu'ils ont laissé faire? Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils n'étaient pas là? Est-ce que c'est quand même bizarre, quoi. Que... Absolument, ouais. Et très ciblé, et pas les unes à côté des autres, quoi. Hein, c'est dans plusieurs rues, dans le centre-ville. Voilà, je ne sais pas où étaient les manifestations, d'ailleurs, si elles étaient en centre-ville ou si elles étaient un peu plus... voilà, ben, je ne sais pas si vous avez des réponses à cette question, mais ça m'intéresserait beaucoup, quoi. Alors, donc, nous, on n'était qu'à une seule manifestation sur Nantes. Après, j'avais eu quand même des retours sur un certain nombre de manifestations avant. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui pètent des banques sont dans la manif. La manif, elle se déplace. Donc en fait ils vont sortir, ils vont péter une banque, ils vont revenir dans la manif. Si la BAC n'est pas juste à côté au moment où ça arrive, ils ont le temps de péter des trucs. Nous quand on y était, la BAC a mis très longtemps à remonter le cortège. Parce que bah je sais pas, ils ont dû avoir des scrupules à taper sur des gens pour une fois. Et Je ne fais pas de spéculation. Enfin bon, toujours est-il qu'ils ont eu le temps de péter la vitrine, de sortir les ordinateurs, d'écraser les ordinateurs sur le trottoir, etc. Et là, il y a eu quelques personnes pour commencer à dire attention, il y a la BAC qui remonte. À ce moment-là, le cortège s'est reformé, a avancé, et ça y est, c'était fini. Donc voilà. Sachant que dans Nantes, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des manifestations. Comme de toute façon, toutes les manifestations sont sauvages à Nantes. Il n'y a pas de parcours ou quoi que ce soit. Donc si les flics bloquent un endroit, les manifestants vont passer par une autre rue. Le centre de Nantes, c'est beaucoup de très petites rues, donc facilement la manifestation va se diviser en plusieurs cortèges, va rentrer dans plein de rues différentes. Donc on multiplie ce qu'on a vu une fois un petit peu en extérieur du centre par 10, on va dire, et on a l'état des banques dans le centre de Nantes, à savoir que plein de petits cortèges avec plein de gens qui vont s'en échapper, péter un distributeur, péter une vitrine, taguer un truc. Et puis revenir. Et il faut savoir aussi qu'il y a énormément de banques et d'agences immobilières, il n'y a pas que les banques, hein, il y a les agences immobilières aussi qui placardent, qui simplement font ça de manière préventive, parce qu'ils ont vu ce qui est arrivé aux collègues, donc maintenant ils se méfient. Dans le centre de Rennes, c'est assez impressionnant, parce qu'en fait, il n'y a eu que des banques et des agences immobilières qui ont été attaquées, plus un magasin de luxe. Ça a été suffisant pour placarder un bon paquet de magasins dans le centre, qui n'avaient strictement rien à voir avec des banques ou des magasins de luxe ou quoi que ce soit, mais simplement ils avaient peur de se faire péter une vitrine ou se prendre un tag, ça coûte toujours cher à réparer, donc ils préfèrent mettre des gros placards en bois. Et en plus c'est marquant, ça leur permet de montrer aussi qu'ils sont en danger, qu'il faut faire quelque chose par rapport à ces manifestations, donc ça leur permet aussi, c'est un peu leur façon de protester contre les manifestations que de montrer que voilà, ils sont en danger, ils ont besoin de placarder des trucs devant pour se protéger. Voilà. On avait discuté à Rennes avec un agent immobilier qui a tout simplement fermé boutique par peur que ses employés se fassent attaquer ou quoi que ce soit. Sachant que bon, les employés ne sont généralement pas attaqués, mais je peux comprendre que voilà, le mec il est un petit peu peur des énervés rennais. Je pense qu'il y a une désinformation assez grande par rapport à qu'est-ce qui est ciblé et pourquoi c'est fait. Et c'est pour ça que les gens flippent, quoi. Alors que si on disait des informations, enfin, on disait clairement, bah, il y a un message politique et que c'est une attaque, une casse ciblée, etc. Bah, déjà, ça changerait un peu le rapport à la crainte. Ouais, c'est juste mon avis, mais. ouais, il y a des chances, ouais. Tout à l'heure, on parlait des les Nantais qui sont énervés, la police qui réplique ou quoi. Il y a aussi un détail, je viens d'y repenser. Vu un mec avec une bouteille de Despé, avec une mèche au bout, donc cocktail Molotov. Alors, il y a aussi des gens qui disaient qu'un mec s'était fait choper par la police avec 6 dans son sac. Ça, on ne sait pas si c'est vrai ou quoi, mais on en a vu un au moins. Donc, c'est vrai qu'il y a, une... Ah, t'en as vu un aussi, d'accord. Donc, ouais, il y a une... Ouais. La police n'a pas raison de faire ce qu'ils font, mais il n'y a pas le même climat qu'à Toulouse où ouais, on ne verrait pas ça du tout. Bah ouais, clairement à Toulouse, le mec qui se pointe avec un cocktail Molotov en manif, c'est pas la BAC qui va le sortir de la manif, c'est les manifestants eux-mêmes. Et assez rapidement. Parce que quand on arrive à fédérer 16 000 personnes sur une manifestation, on n'a pas du tout, du tout envie de voir le mouvement détruit par quelques casseurs et décrédibilisé. Après, comme il disait, il y a aussi énormément de désinformation, à savoir que là où du côté des manifestants, l'idée, ça va être de péter un distributeur, de péter une banque, une fois transmis dans les médias, c'est « Oh, ces horribles casseurs qui pètent tout sur leur passage ». Pareil pour les poubelles renversées. Les seules fois où j'ai vu des poubelles renversées à Toulouse, c'était dans des manifs sauvages où le but clair et net était vraiment de bloquer l'avancée des flics à l'arrière du cortège pour permettre de garder le cortège entier et de protéger tout le monde, d'éviter qu'il y en ait quelques-uns qui se fassent attraper et emmener au poste. Parce qu'à Toulouse, par contre, on a ce problème-là que les manifs sauvages sont absolument pas organisés, du tout. Contrairement à Rennes où ils sont vraiment en bloc, il y a un bloc de tête et un bloc de fin de manif qui compresse toute la manif, qui s'assure bien que personne n'est laissé derrière, que personne ne déborde, que les blessés sont pris en charge, etc. À Toulouse, quand il y a une manif sauvage, c'est sauvage. Donc effectivement, il y a quand même des gens qui vont renverser quelques poubelles pour empêcher la police d'avancer et permettre à tout le monde de leur échapper. Mais il y a quand même une organisation, en fait. Et une fois que c'est passé à travers le filtre des médias, ça se transforme en... voilà, il y a des horribles casseurs qui pètent tout sur leur passage. Ils n'ont plus aucune revendication, ils n'ont plus rien du tout. Ils sont juste énervés, ils veulent tout casser. C'est un petit peu simpliste. Alors, je suis le dernier à casser des trucs. Hein. Je déteste... Enfin, c'est vraiment un mode d'action avec lequel j'ai un problème. Mais il faut arrêter de les prendre pour des cons quand même. Voilà. Il y a un truc que je voulais rajouter, c'est sur, je sais pas comment ça se passe ici, si quelqu'un sait, pourquoi pas, sur Toulouse, on a quand même une coordination lycéenne assez importante. Dans les groupes de lycéens, ils sont vraiment tous très motivés. Au niveau des, c'est eux qui s'occupent d'ailleurs, je crois, des opérations de péage gratuit. Et du coup, eux sont pas très motivés du tout non plus à casser. C'est vraiment ambiance festive, ouais. Ouais. Oui, d'ailleurs, oui. Quand les Nantais apportent des cocktails Molotov, nous, on a plutôt tendance à apporter des gens avec des dreads qui jouent du djembé. Et c'est vrai que ça apporte une ambiance dans la manif qui n'est pas la même. D'ailleurs, à Rennes, quand on était, il y avait un petit square avec une sorte d'église, enfin un vieux théâtre autour duquel il y avait le piano et tout le monde et l'ambiance un peu festive. Donc d'un côté, la gendarmerie mobile qui bloquait, de l'autre, les baqueux qui bloquaient, et c'était... Oui, c'était pas trop violent, mais un petit peu tendu quand même. Et au moment où le mec à l'étage a ouvert ses fenêtres et a mis une grosse sono, ça a quand même bien calmé, bien ralenti. Ça bosse quand même pas mal. Et donc, est-ce qu'à Paris il y a des coordinations lycéennes, un mouvement de jeunes qui font ouais aussi? Enfin, simplement, moi, c'était pas spécialement pour prolonger le débat par rapport aux violences policières, mais quand même, j'estime que les policiers, face à des manifestants, qu'ils soient journalistes ou pas, quelle que soit la violence de ces manifestants, ils sont absolument pas censés leur déglinguer la tête et les envoyer à l'hosto ou les mettre dans le coma, quoi. Ou des plus petites blessures. Enfin, c'est absolument totalement illégitime et en plus, c'est hors la loi. Je sais pas si dans la loi, c'est écrit, dans le code pénal, c'est écrit. Les flics ont toute impunité et peuvent blesser les gens, les citoyens, comme ils veulent, mais ça me paraîtrait un peu absurde quand même. Et du coup, voilà, enfin, qu'ils soient photographes, artistes, profs ou soi-disant casseurs, ça n'excuse en rien leurs gestes. Et je voulais juste vous poser une question, du coup, par rapport, comme vous avez un peu voyagé et vu différentes nuits debout, quel retour vous avez dans votre pensée du mouvement sur ce sur l'avenir de Nuit Debout, sur ce qu'est Nuit Debout, parce que je sais qu'à Paris, il y a un peu deux sons de cloche. Il y a des gens qui disent en province, c'est mort, il se passe plus rien, il n'y a plus Nuit Debout. Et il y a l'inverse en disant, au contraire, il y en a plein partout, mais dans de formes très diverses et tout. Moi, je pense qu'il y en a, mais au-delà de la question est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que vous pensez du mouvement et est-ce que vous pensez qu'il va encore durer longtemps? Moi, je voudrais vous dire simplement que je serais content que le mouvement reparte. Si le mouvement repart, apparemment, ça a l'air de repartir un petit peu. Et je pense que Voilà, je voulais vous dire ça, que je suis auteur, compositeur, interprète. S'il y a moyen de chanter un jour, je viendrai avec une guitare. Bon, je... Si quelqu'un veut le micro, je suis prêt à lui passer. Ouais, je vais juste réagir sur deux trucs que tu as dit. Alors le premier, c'est que ce que je disais au niveau des flics et de la façon dont ils réagissent à Nantes, parce que les manifestants sont plus énervés, j'excuse pas, j'explique vraiment, parce que pour le coup, il y a des règles très très strictes au niveau de la police, et là-dessus, je pense que Paul va avoir deux trois réactions aussi. Il y a des règles extrêmement strictes au niveau de la police sur comment ils ont le droit d'utiliser leurs armes, dans quelles conditions, etc. Règles qui ne sont pas du tout, du tout respectées. Et nous, on a deux, trois trucs à dire au niveau du LBD. Donc, je vais laisser la parole à Paul. Oui, il se trouve que pendant qu'on était à Toulouse, il y a une journaliste de Reporter, donc le site internet, média, qui nous a contactés pour nous parler du fait... Enfin, il y a trois députés. Donc les Verts, UDI et un EPS, qui ont chez les Verts c'est ma mère et chez les autres je sais pas le voilà et donc ils les ont contactés pour faire un rapport sur l'utilisation du LBD en particulier qui le flashball en fait c'est la version plus puissante du flashball. Le flashball n'est plus quand on dit flashball en générique c'est aujourd'hui c'est le LBD donc lanceur de balles de défense plus d'attaque à mon sens mais voilà. Et c'est classé comme arme de guerre d'ailleurs, c'est utilisé régulièrement. Et donc ils veulent faire un rapport sur le sujet pour au moins évoquer la question de l'utilisation, voire, enfin, soit à minima évoquer la question, soit vraiment légiférer sur le sujet. Et une fois qu'on était à Rennes, il y a une des photos que j'ai prises où on voit alors pendant qu'on était sur la place, le square avec la BAC d'un côté, les GM de l'autre, il y a un des manifestants qui est à cette distance-là du mec de la BAC, et le mec le vise avec le LBD à hauteur de visage, clairement. Ce qui est totalement interdit. Alors, je ne crois pas que c'est autorisé sur le corps, en tout cas, bras, jambes, oui, mais tête, voilà, en dessous. Ouais, d'accord. Donc là, c'était clairement à hauteur de visage. Du coup, une des journalistes de Reporters de Rennes nous a contacté pour nous demander de faire un témoignage, d'en parler. Et là, le rapport doit être, il devait être terminé pour il y a quelques jours, donc a priori, ça devrait. Il est censé être envoyé dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, censé être envoyé dans le courant de la semaine prochaine, donc il y a moyen de discuter du sujet. Et une dernière chose, on vient de voir que sur Rennes, les gens qui étaient à la manif de ce matin disent que même France 3, Bretagne et M6 ont été malmenés par la police. Donc La question hier, on avait fait une proposition en terrasse du Toucan. On se posait la question de savoir s'il y avait moyen de faire une sorte de convergence des Nuits Debout. Un moment cet été, une sorte de festival sur un plateau, une plaine, refaire Woodstock, enfin ce qu'on veut quoi. Et est-ce que ça serait possible? Quelle est la relation entre Nantes, Rennes, Toulouse, etc. Donc entre elles et puis aussi entre guillemets la province et Paris. Et est-ce qu'une convergence est faisable? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en discute, etc. J'hésite à répondre à ça parce que ça risque de prendre un certain temps et je risque de court-circuiter le monsieur qui voulait aussi dire un truc. Donc je vais lui passer le micro, je retiens ta question, j'y réponds après. Oui, sur les violences, là, il y a une histoire, il y a une culture. Moi, comme syndicaliste, déjà en 68, j'ai fait 68, il y avait... Ah oui, j'ai de l'expérience, n'est-ce pas? J'étais confronté comme syndicaliste et manifestant à des violences qui étaient fortes. Et puis, il y a eu la grande manifestation des sidérurgistes. La grande manifestation des sidérurgistes au début des années 80. Et là, pareil... Il y a eu des violences qui ne venaient pas des sidérurgistes. On ne sait pas d'où elles venaient. Et puis, comme syndicaliste enseignant, j'ai eu aussi l'expérience des manifestations du CPE. Et du côté des lycéens, puisque les lycéens étaient très mobilisés, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas d'histoire. C'est-à-dire, les lycéens, ils découvraient les choses. Et ça crée des débats chez les enseignants. Parce qu'ils sentaient un peu responsables, quoi. Ils savaient que ces lycéens, ils allaient au casse-pipe, quelque part. Et beaucoup de lycéens et enseignants ensemble, ont décidé d'aller ensemble à la manifestation. Les enseignants, au lieu d'être dans le cortège des syndicats d'enseignants, restaient avec les syndicalistes, un peu pour une certaine forme de protection, quoi. Parce qu'ils savaient que c'était chaud, que c'était dangereux, et que ces syndicalistes n'avaient pas de... Enfin, c'est pas syndicalistes, ces lycéens n'avaient pas d'histoire, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus ça. Je sors là d'un séminaire où il y a des étrangers, notamment, et je suis frappé. J'ai plusieurs échos. Nuit debout est très regardée à l'étranger. Et comme c'était à la fois des chercheurs et syndicalistes brésiliens, ils m'ont interrogé sur c'est quoi Nuit debout, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et donc ils sont très très intéressés et par le côté positif, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se trame au niveau de la démocratie, au niveau de la production d'une nouvelle façon de faire de la politique, etc. Donc je crois qu'il faut peut-être en tenir compte dans la communication. Il n'y a pas que les étrangers qui prennent peur, les touristes potentiels qui prennent peur et qui annulent leur voyage. Il y a ceux qui nous regardent de façon positive, quoi. Et cela, il faut s'en occuper. Oui, en fait, j'ai 15 000 trucs à répondre, du coup. Juste au niveau des violences tout à l'heure, j'y pensais. En fait, il y a énormément de règles au niveau de ce que les flics ont à faire. Et au niveau de tous les problèmes qu'il y a avec la violence en France, je vous conseille très fortement déjà de vous renseigner. Il y a un rapport de l'ONU qui a été fait très récemment qui met la France à l'amende au niveau des violences policières. Il n'est pas très très long, si vous le trouvez, lisez-le parce que c'est très intéressant et il y a un vrai problème. Aujourd'hui, l'ONU est vraiment inquiétée par l'attitude de la police chez nous quand même. Donc voilà, bon, ensuite il y a plein de règles. Pardon ? C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais enfin bon, voilà, à ce niveau-là, et puis au niveau des règles d'usage des armes qu'ont les policiers, renseignez-vous aussi, il y a plein de trucs. Au niveau de ce que toi tu disais et de ce que vous disiez sur la nuit debout, il y a effectivement totalement moyen, je pense, de faire un truc au niveau tout simplement, comme les moyens d'action sont très différents d'un endroit à un autre au niveau des nuits debout. Ce serait intéressant vraiment de créer des vrais liens avant, parce qu'en fait aujourd'hui c'est très morcelé et chacun fonctionne un petit peu en vase clos, donc c'est très très difficile d'organiser un truc commun, sachant qu'on a des cultures aussi différentes. Donc c'est totalement faisable, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin que qu'il y ait plus de gens en fait qui fassent un peu ce qu'on fait, à savoir aller de nuit debout en nuit debout, aller un petit peu ailleurs, voir comment ça se passe. Si vous avez de la famille dans une autre ville de France, allez vous renseigner sur ce qui se passe là-bas et discuter avec les gens là-bas, essayer de créer des liens en fait entre les nuits debout, parce qu'aujourd'hui il y a absolument aucun tissu de nuit debout à travers la France. Les gens ont très très peu de contacts, ou bien c'est vraiment juste des contacts très personnels, mais il n'y a pas de vrai contact entre les nuits debout. Au niveau de l'international, nous ce qu'on va faire, c'est déjà ce qu'on va faire comme reportage, on va le faire en français et en anglais, parce que comme vous dites, effectivement, il y a énormément d'étrangers qui sont intéressés par la nuit debout, qui sont plutôt sympathisants, qui aimeraient bien comprendre un petit peu plus ce qui se passe en France. Comme déjà en France, les médias déforment énormément la réalité, il faut imaginer qu'à l'étranger, les informations qu'ils ont mais sont tellement déformées. Et en France, on est très franco-français, on n'a absolument aucune information en anglais, rien du tout qui soit un minimum envoyable à l'étranger. Et ça, c'est très problématique parce qu'en fait, les seules informations qui transpirent, c'est des informations officielles au final. Donc voilà, moi j'ai des amis un peu dans toute l'Europe, je vais leur envoyer tout ce qu'on réussira à faire et j'espère que ça aura un écho, mais si vous avez des contacts à l'étranger, parlez-en avec eux et si vous avez la possibilité d'écrire des trucs en anglais, écrivez-le, vraiment. Merci le micro. Ça marche là ? On m'entend ? On m'écoute ? Voilà. Moi, je veux défendre ceux qui luttent à marche forcée contre le monde, cette fabrication de l'humain qui tue la vie. On n'est pas les criminels et on est prêt à détruire tout ce qui ne convient pas à la vie. Ouais, je voulais réagir par rapport à la question de, des rapports anglophones, etc. En fait, je vous invite vraiment à, effectivement, à prendre contact au maximum. Il y avait une nana, là, maintenant elle est aux États-Unis, mais elle a passé beaucoup de temps et puis elle va revenir. Elle a passé pratiquement toute nuit debout ici. Elle est américaine, elle s'appelle Marissa. Et elle cherchait des gens pour écrire, justement en anglais. Alors je travaille avec elle, donc elle fait une comparaison entre Occupy Wall Street et Nuit debout. Donc on a fait une ébauche, mais n'hésitez pas à la chercher si vous avez envie de communiquer avec elle et d'essayer de anglophoniser tout ça. Elle s'appelle Marissa, donc M-A-R-I-S-A, H-O-L-M-E-S. Et son adresse mail sur Gmail, ça doit être à peu près ça. Enfin, vous la trouverez sur Gmail, à mon avis, en cherchant Marissa Holmes. Elle est brune, voilà, avec des yeux bleus, il me semble. Et elle a filmé ici beaucoup, beaucoup aussi, et elle est bien au courant de même toutes les... On va dire tous les débats idéologiques et techniques à l'intérieur de Nuit Debout. Et qui recouvrent en grande partie ce qui se passe à Occupy d'ailleurs. Voilà. Je fais juste une annonce. En fait, on vient de me dire qu'il y a la personne qui doit décharger les affaires en fait pour la commission logistique qui arrive pas à rester et les personnes de la commission logistique sont pas là. Du coup, si on pouvait juste être quelques personnes qui l'aident à décharger avant que la commission logistique arrive, ce serait sympa. Voilà. Ou sinon, on y va tous. Ok. On pose alors. Salut Julien, si tu veux le micro, viens te battre. Non, je déconne. On attend un petit peu avant de commencer. C'était juste pour t'emmerder avant que tu aies le micro, c'est tout.